Si tu t'y mets carpe, carpe dans l'étang, si tu t'y mets carpe, carpe dans l'étang, je m'y mettrai pêcheur, pêcheur pour te pêcher, je pêcherai la carpe avec grande amitié. Si tu t'y mets carpe, si tu t'y mets pêcheur, pêcheur pour m'y pêcher, si tu t'y mets pêcheur, pêcheur pour m'y pêcher, je m'y mettrai étoile, étoile dans le firmament, il faut pas dire, et là t'y causera aucun agrément. Si tu t'y mets étoile, étoile dans le firmament, si tu t'y mets étoile, étoile du firmament, je m'y mettrai nuage, nuage de dans le temps. Je penserai sur toi avec grande amitié. Si tu t'y mets nuage, nuage dans le temps, si tu t'y mets nuage, nuage dans le temps, je m'y mettrai religieuse, religieuse dans un couvent, tu n'auras plus d'attendement, cher amant. Si tu t'y mets religieuse, religieuse dans un couvent, si tu t'y mets religieuse, religieuse dans un couvent, je m'y mettrai prêtre, prêtre pour t'y confesser, je confesserai la nonne avec grande amitié. Si tu t'y mets prêtre, prêtre pour m'y confesser, si tu t'y mets prêtre, prêtre pour m'y confesser, je m'y mettrai morte, morte et ensevelie. Tu n'auras plus d'attendement, cher ami. Si tu t'y mets nonne, si tu t'y mets morte, morte et ensevelie, si tu t'y mets morte, morte et ensevelie, je m'y mettrai terre, terre dans le terrier, je couvrirai la nonne avec grande amitié. Voilà. Et là, Puis c'est les paroles de votre sœur. là on dit, voyez bien, là on dit, je m'y mettrai mort, mort auprès de toi, avec grande amitié. Bon, oui, là, c'est ce qu'elle avait dit. Ce que vous Oui. dites là, Oui. je m'y mettrai religieuse, religieuse dans la couvent, et puis après, Je n'ai pas compris, mon mec, là. Oui. Qui, comme elle avait dit, je m'y mettrai. Je m'y mettrai terre, terre dans la terre. Oui, mais avant, il y a, si tu mets, je... Ils chantent, ils sont tout le temps. Attendez, vous avez... Ah oui?